On va parler avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pascal, on va d'abord parler de Kobe Bryant. Écoute, ça fait un an que la Terre. C'est le genre de nouvelles, Pascal, qu'on se rappelle jusqu'où on était quand on l'a appris. Moi, j'étais. Qu'est-ce que tu faisais quand tu l'as appris, toi? Écoute, j'étais au match d'étoiles à Pierrefonds de la Ligue de Montréal de basketball, Dans le temps qu'on NBL. pouvait jouer, Ouais, dans le temps qu'on pouvait jouer au basket, là. j'ai été voir une couple de mes jeunes, j'ai été voir le match avec mon plus jeune Axel. Et puis je l'ai su de Gaétan Prosper, son garçon joue à Clemson maintenant, Maxence Prosper. Puis écoute, je le croyais pas. C'est dans l'auto que là, ça a cliqué comme attends là. Même les gens, personne ne voulait le croire. Tout le monde dit, ben non, c'est TMZ, c'est une blague, ça a aucun sens, c'est pas logique, c'est pas vrai. Et puis, je te dirais que toute cette journée-là, quand je suis rentré chez moi, j'étais sur Internet, puis je cherchais des affaires plus vraies, parce que j'espérais que ça soit pas vrai. Ben oui. Honnêtement, Et là, ça m'a un an plus marqué. tard, ça Ouais. te, tu sais, je veux dire, les Lakers, il y a eu le COVID, les Lakers ont gagné quand même est-ce que tu penses que ça le change, que la mémoire de Kobe De Kobe, a vraiment aidé pour que les Lakers l'emportent? absolument, je pense Ouais, que ça le, ouais. ils jouaient pour plus qu'eux autres mêmes, et des fois ça prend juste ça pour gagner un championnat. Des fois tu as besoin de différentes raisons pour te motiver. Puis je pense que les Lakers étaient la seule équipe dans la bulle qu'on appelle qui était motivée. Je sais pas si tu sais, les Clippers, on dirait qu'ils étaient pas motivés. Et puis je pense que les Lakers, Anthony Davis, LeBron, puis LeBron était près de Kobe, il faut pas se mentir là, depuis les Olympiques. Une des raisons qu'il était à Los Angeles, probablement c'était pour être capable de pouvoir le voir ou communiquer avec plus facilement. T'sais. Fait que je pense que ça a été un avantage. Je pense que c'était une fierté pour ces joueurs-là de gagner pour Kobe, parce qu'ils l'ont dit, on gagne pour Kobe. Il y avait l'uniforme, le même bas. L'uniforme noir qu'ils utilisent. Puis écoute, ça les a tellement affectés qu'ils ont décidé de rien faire aujourd'hui en passant. Ah ouais? Ok, oui, c'est vrai. Ouais, ils ont fait un commentaire comme quoi c'est que ils veulent pas. Je pense que c'est respectueux de dire on veut passer à d'autres choses. On va jamais t'oublier. T'sais, chaque jour on pense à Kobe, on va jamais t'oublier, que Kobe, Gianna et les autres personnes qui sont décédées, mais Kobe en particulier, Gianna, sa fille. Fait que je pense que des fois tu te dis ok, on passe à d'autres choses. Ok. Donc, on va y aller maintenant avec l'héritage que Kobe a laissé. Écoute, je te l'ai même mentionné, sur mes uniformes, j'ai Mamba mentalité. Si tu veux être un expert, je pense que Kobe, en passant, au début de sa carrière, on ne le comprenait pas. Parce que c'est une bête unique. Mais lui, il a dit, je veux pas d'amis, je veux gagner des championnats. J'ai pas le temps de passer du temps. Il a démontré cette force de vouloir être un champion, le travail qu'il a fait, OK? Et je pense que maintenant, tu me connais, j'adore Michael Jordan, mais on dirait que je parle plus de la Mamba mentalité, même quand Kobe est en vie avec mes athlètes. Si t'aimes puis t'es passionné, il faut que tu donnes un certain temps à quelque chose. Si c'est la mathématique, si c'est jouer le violon, tu sais, et je regarde qu'il y a beaucoup d'athlètes hors basket qui parlent de ça. Que ce soit Serena Williams qui parle de Kobe mentality, que ce soit des joueurs de tennis, des joueurs de golf, tu sais, il y a un respect de dire, OK, t'as réussi à atteindre ce niveau-là, cinq championnats. Il y a quand même, je dirais pas qu'il a travaillé plus fort que Michael Jordan, mais disons que Kobe a travaillé plus fort que Michael Jordan pour aller chercher ce qui a été cherché. Ok, bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, écoute, c'était incroyable. Donc, un an déjà. C'est pour ça que je voulais vraiment te parler aujourd'hui. On va parler des Ouais. Raptors également. Ben, les Raptors, écoute, ça se remplace un peu les Raptors. Hier, ils ont perdu contre Ben, ça commence, Indiana. on remonte dans le classement. Ça prend toujours une vingtaine de matchs pour s'ajuster. Je pense qu'il y a encore certaines lacunes. Je pense que les bons joueurs commencent à performer, Nick Van Exel en particulier. C'est une équipe qui va faire les séries, Danny, mais on a un début difficile, on n'était pas s'ajuster. Puis comme on l'a mentionné l'autre fois, Danny, quand on a parlé la perte de deux géants qui est Gasol et surtout Ibaka au niveau offensif, défensif. Ouais. Et ça, c'est pas facile à remplacer. Tu sais, j'adore Chris Boucher, puis je pense qu'il mérite de jouer plus de minutes, d'être sur le terrain, mais physiquement, Chris Boucher n'a pas la même présence défensive. Tu sais, quand je parle de présence, oui, il va faire un ou deux blocs, mais on n'a pas peur d'attaquer Chris Boucher comme on avait plus peur Serge Ibaka et même Marc Gasol qui était non seulement 6 pieds 11, mais comme presque 280 livres, là, il prenait de la place sur le terrain. Mm. Je pense qu'on est après s'ajuster. Je pense que Nick Van Exel va démontrer comme pourquoi c'est un excellent entraîneur avec beaucoup d'imagination. Et puis on voit... moi, je suis déçu, Danny, de Siakam. Ouais. Mais, Adonobi, c'est la nouvelle star des Raptors. D'ailleurs, il est dans 60 joueurs d'invités. Moi, ça m'a surpris un peu. Il est dans 60 joueurs des Raptors, de l'équipe américaine. T'as-tu surpris, toi? Ben, regarde, si tu prends le premier ou le deuxième meilleur joueur des 30 équipes, ben, il mérite d'être là. OK, ouais. On est d'accord avec ça. Ouais. T'sais, il a quand même gagné un championnat. C'est un joueur... Je t'ai dit, je suis déçu parce que mes attentes sont énormes envers ça. Est-ce qu'il l'a mentalement? Au niveau basketball, c'est un super joueur de basket. Mm. Mais il n'est pas capable d'emmener ça à chaque jour, à chaque match, comme les vedettes. Fait que c'est peut-être pas la star, c'est peut-être le meilleur joueur, le meilleur deuxième ou troisième joueur d'une équipe. Mais c'est peut-être pas un gars qui peut mettre l'équipe sur ses épaules. Mais d'être invité dans les 60 joueurs, j'ai aucun problème. C'est un gars qui fait aux Olympiques pour l'équipe américaine, puis bien performé. Là. Mm. Siakam, c'est un très, très bon joueur, Danny. Là. Puis la raison qu'on l'ai mentionné en premier, parce que nos attentes sont énormes envers lui. Je pense pas qu'il y ait des... Ben, Siakam, il appartient... c'est un Congolais, je pense. Donc, je pense pas qu'il appartient... Ben, ça dépend de ses papiers. Est-ce qu'il peut jouer pour le Congo? Est-ce qu'il y a un passeport américain? T'sais, ça dépend. Je le sais pas. OK. Peu importe, il n'y a pas un joueur des Raptors qui peut percer l'équipe américaine. T'as raison. Là, c'est Steph Curry, puis Kyrie Irving, puis Durant, puis LeBron décide d'aller aux Olympiques. Écoute, là, il arrive quoi? Parlant de Canada, là, il arrive quoi avec tout ça? Là? Je fais une parenthèse, c'était pas prévu pendant tout. Le Canada... J'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça. Danny, il y a une question aussi... Je pense que les joueurs qui vont être en finale NBA ou en finale de chaque conférence, l'horaire peut-être pas leur permettre de participer, exemple. Mm. Parce que je pense que les Olympiques, c'est en juillet, puis la saison NBA, bon, quand est-ce qu'ils vont finir, je ne sais pas. Mais moi, j'ai entendu dire que ça pourrait affecter les joueurs qui vont être dans les finales, plus que d'autres choses. Non, Canada, moi, ce que j'ai hâte de voir, là, Pascal, là, c'est toute l'équipe canadienne. Moi, je dis, j'ai pour m'en dire que l'équipe canadienne, là, toute réunie, on les a jamais vus ensemble. L'équipe canadienne, toute réunie sur papier, c'est l'équipe de France. Où il y avait, aux derniers Olympiques, aux derniers championnats mondiaux, il y avait 11 joueurs NBA et un gars qui était pas dans NBA, exemple. Tu comprends ce que je veux dire par là? Ouais. Maintenant, un pays qui a un joueur NBA, ça fait longtemps que l'Argentine, puis la Russie, puis la France, puis l'Espagne en ont, là. Faut pas se mentir, Danny. Mais nous autres, ça va nous faire du bien. Maintenant, est-ce que avoir tous nos joueurs NBA fait qu'on est top 3 au monde ou on est top 10? J'aimerais ça le voir. Avec Nick Nurse. T'es pas sûr. Tu sais, j'aimerais ça le voir. Puis là, il arrive quoi, là? Parce qu'aux dernières nouvelles, il avait fait un. Là, c'était en septembre 2019, je pense qu'il y avait. Puis le Canada, c'était pas classé, mais c'était pas toute l'équipe. Là. Il restait une espoir, je pense. Puis c'est là, avec toute la COVID, il arrive quoi? On devait jouer à Vancouver, je pense, puis ça n'a pas eu lieu. C'est ça que je veux savoir. En tout cas, regarde, tout a été remis. Là, ça va être intéressant. Mais on est capable d'avoir 12 joueurs NBA pour le Canada, puis c'est pour la première fois de son histoire. Ben, moi, j'aimerais ça voir vraiment là, l'équipe canadienne au complet. Moi, je pense qu'on peut lutter. Pour le meilleur des autres. Ouais. Hein? On peut lutter pour comme je te dis, il y a 20 ans, c'était une autre histoire, mais maintenant, Danny, est-ce que nos joueurs NBA fait qu'on est top 3 ou on est top 10? Moi, j'aimerais ça voir. On est top 10, mais on n'est peut-être pas top 3. Il y a des équipes en Europe, là, la Slovénie puis la Yougoslavie, là, ils ont des joueurs NBA, eux autres. Là. Il y a des joueurs qui sont pas dans la NBA, qui sont en Europe. C'est des gros joueurs européens là, qui refusent des contrats dans la NBA. Là, tu comprends? Ouais. Je veux te parler de Charles Dubébret. On va essayer de te parler cette semaine. Charles Dubébret qui quitte l'organisation des Raptors 905. C'est plate parce que j'avais des bons contacts avec eux autres là, à cause de Charles Dubé. Puis il s'en va avec l'équipe d'Ottawa je pense, en Canadien de basketball. La C'est tout. CEBL. Ouais, en fait, c'est ce que Mark Workman essaie d'amener à Montréal. Donc, c'est une nouvelle ligue de basket. Est-ce que c'est sûrement une bonne nouvelle pour Charles Dubé? Charles? Ben écoute, je le blâme pas. Premièrement, Ouais. c'est un Québécois, il veut rester prêt. T'sais, je pense qu'il y a eu des belles années en Europe. Il y a eu des belles années je pense qu'il a été coaché au Japon, je me trompe pas, là, ou en Chine. Fait que, mais c'est sûr que d'avoir l'opportunité d'être un entraîneur-chef, d'avoir ton propre programme, je pense que ça fait longtemps que Charles il est intéressé à ça. Fait que je suis pas surpris. Je m'attendais peut-être le voir universitaire aussi. C'est une nouvelle ligue, fait que ça va être quelque chose à suivre. Mais je suis très content de son cheminement puis de voir là, qu'il y a cette opportunité-là dans cette nouvelle ligue-là. OK. Donc, pas Ben, de succès. Pascal, un gros merci. Je voulais te parler plus aujourd'hui parce qu'évidemment, à cause de Kobe, donc on se reparle dans 2 semaines. Fait plaisir. À bientôt, Danny. Notre ami Pascal Jobin qui nous parlait de la NBA.